les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il faut être logique d'une façon immuable. Il faut prendre la raison par le bon bout, dit et répète Rouletabille. À Mathilde Stangerson, on a demandé de donner tous les détails sur cet affreux attentat. Elle a accepté de parler, Mathilde Stangerson. Elle se sentait plus vaillante. Elle relate donc son retour, tard dans la nuit, de Paris au Glandier avec son père, le professeur, le laboratoire, le travail, une promenade dans le parc. La fenêtre était-elle ouverte ? Quand vous avez pénétré dans votre chambre, vous avez fermé immédiatement votre porte au verrou. C'est exact. Mais pourquoi la serrure ? Pourquoi le verrou ? Pourquoi le revolver ? À l'assassin, un homme était dans la chambre, essayait de l'étrangler. Mathilde a raconté cela au juge d'instruction et nous n'en savons pas plus pour l'instant. Voici les épisodes 7 et 8 du feuilleton « Le mystère de la chambre jaune » diffusé pour la première fois sur France Culture les 9 et 10 août 1983. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Bien. Alors en somme, nous... Oh. On est mieux assis que debout, non? Ah oui. Alors, nous sommes en gros, si je mesure bien, à une centaine de mètres du pavillon. Hein? D'accord, Sinclair? Oui, oh, ben, faut pas être bachelier pour affirmer une chose pareille. En effet. Et voyez-vous comme je le vois, ce petit bosquet là, sur la droite? Celui-là? Oui. Non, plus à droite, celui-là. Ah oui, vu. Alors? Eh bien, c'est de là qu'est parti l'assassin pour entrer dans le pavillon. Ah. Ouais. Alors, au risque de me couvrir de ridicule, je poserai la question, pourquoi ce bosquet-là plutôt qu'un autre? Oui. Cher Sinclair, il n'est pas superflu pour un avocat d'être aussi un observateur. Première constatation, le sentier qui passe tout près de ce bosquet et qui conduit au pavillon est couvert de gravier. C'est indiscutable. Oui. Voilà. Pour aller au pavillon, on ne trouve pas les traces de l'assassin. Par contre, on peut remarquer ses pas sur la terre molle lors de son retour. Et où voulez-vous en venir ? Eh bien, à ceci. À l'aller comme au retour, l'assassin a marché, il n'a pas pu voler, à l'évidence. Il s'est donc rendu au pavillon en marchant sur le gravier, ce qui ne laisse aucune empreinte. Et puis enfin, c'est le chemin naturel habituel pour se rendre au pavillon. Et il se cachait dans le bosquet ? Ben écoutez, c'est la seule hypothèse valable. Il s'agit de lauriers et de fusains, c'est-à-dire des essences qui résistent bien au froid. Les branches, en cette saison, sont encore assez feuillues pour qu'un homme puisse s'y dissimuler, non? Alors, l'assassin s'est caché là pour attendre le bon moment. Et vers 5 heures, il a vu sortir le professeur Stangerson et sa fille, ensuite le père Jacques. Celui-ci avait laissé la fenêtre ouverte en partant, il nous l'a dit, vous souvenez, vous avez sûrement remarqué, alors que le gravier du sentier va jusqu'à la fenêtre du vestibule. La fenêtre n'est pas grillagée. Eh bien, l'homme s'est tout simplement hissé à l'aide des poignets pour pénétrer dans le vestibule du pavillon. Voilà, exactement, mon cher maître. Ouais. Bon, après tout, c'est bien possible. Après tout, c'est bien possible. Quoi, après tout, c'est bien... Après tout, quoi? Répondez. Mais enfin, Joseph, voyons, il faut... Mais il n'y a pas de Joseph qui tienne, après tout, quoi? Mais je ne sais pas, moi, je voulais dire... Enfin, je pensais simplement... Ne pense pas simplement, c'est absurde. Mais enfin, expliquez-moi, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de dire, après ma démonstration, après tout, c'est bien possible? Enfin, voyons, roule-tabille, enfin, Joseph... Mais il n'y a pas de roule-tabille non plus. Oh là, vraiment, j'apprécie ce doute prudent avec lequel certaines gens abordent de loin les problèmes les plus simples. C'est vrai, mais c'est vrai. On ne prend pas le risque de dire ceci est ou ceci n'est pas. Oui, on n'a pas d'opinion. On n'est pas capable de... Voilà, c'est tout. Pour te dire, tenez, on a une pauvre petite boîte crânienne de rien du tout qui renferme un pois chiche, qui serait plus utile, si, qui serait plus utile dans un sifflet de chef de gare. Après tout, c'est bien possible. Non, non, enfin, je ne pense pas, mon cher Rouletabille, que Maître Sinclair ait eu l'intention... Mais effectivement, c'est pas ma faute. Enfin, il faut bien reconnaître également que le reste du monde n'a pas la chance de posséder la rapidité et la lumineuse perception de Rouletabille. Oh, voilà. Fallons bon le voir vexé maintenant. Non, je disais pas ça pour vous, mon bon Sinclair. Vous savez quelle estime et quelle amitié nous unit. Hein? Allez, c'est fini. Vous n'êtes pas fâché. Là. Non, hein? Pas fâché. Je suis pas fâché, mais enfin quand même. Oh, allez, allez, allez, allez, c'est fini. Sinclair, la seule chose, à mon avis, inepte, c'est de ne pas raisonner à coup sûr quand on le peut. Il est vrai que votre ami semble sur la bonne voie, mon cher Sinclair. Le bon bout de la raison, toujours. Pourquoi dire qu'une chose est peut-être possible quand il est tout bonnement impossible qu'elle soit autrement? Enfin, vraiment. Ah, bien, laissons tout ça. Nous savons maintenant comment l'homme est entré dans le pavillon. Hein? Le bosquet, le gravier, la fenêtre ouverte et le vestibule. Bien, par la même occasion, nous pouvons définir le moment, l'heure à laquelle il a pénétré dans le pavillon. Ah oui, la promenade de 5 heures. Mais voilà, mon cher Sinclair. Pendant la promenade de 5 heures, vous avez tout à fait raison, quand le professeur Stangerson et Mathilde sont revenus au laboratoire après le déjeuner, la femme de ménage venait de terminer son travail dans la chambre jaune. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'assassin n'était pas à ce moment-là sous le lit ou dans la chambre, ou bien on admet la complicité de la femme de chambre, Héloïse, il faut tout envisager. Quel est votre avis, monsieur Darzac? Ah, ça, je me range sans hésitation à la première hypothèse. Ah, ça, je suis sûr que Mathilde se porterait comme moi, garante de la scrupuleuse honnêteté d'Héloïse. Parfait. Et puis, à 5 heures, le professeur est entré dans la chambre jaune pour y chercher le chapeau de Mathilde. Hein? Ah, c'est vrai, il y a encore ça. L'homme est donc entré dans le moment que vous dites, par la fenêtre du vestibule. Eh bien, vous voyez, je l'admets. Oh, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai, je l'admets volontiers. Seulement, pourquoi, alors, a-t-il refermé la fenêtre? Ce geste devait nécessairement attirer l'attention de ceux qui l'avaient laissée ouverte. Voilà un bon point, Sinclair. Il se peut même que la fenêtre n'ait pas été refermée tout de suite. Mais alors, si l'assassin l'a refermé, oui, c'est à cause du coude que fait le sentier de gravier à 25 mètres du pavillon et à cause des trois splendides chaînes qui s'élèvent à cet endroit. Que voulez-vous dire? Je vous jure de vous l'expliquer plus tard, monsieur Darzac, quand le moment sera venu. Oui, je suis d'accord, je sais, rien de tout ceci ne vous éclaire, mais je peux vous confier une chose, si mon hypothèse se justifie, j'aurais prononcé les paroles les plus importantes sur cette affaire. Quelle hypothèse? Écoutez, permettez-moi de ne rien dire pour l'instant, vous saurez tout si elle se révèle être la vérité. Ah, mais enfin, monsieur Rouletabille, quand même. Je vous en prie, n'insistez pas, tout ceci est beaucoup trop grave pour que j'en parle dès maintenant. Tant qu'il s'agit d'une hypothèse, je ne peux rien dire. Avez-vous au moins une idée de l'assassin? Non, monsieur Darzac, je n'ai aucune idée sur l'assassin. Ah, vous ne savez pas. Mais soyez sans inquiétude, je le saurai. Oh oui, ça, je vous le dis, je le saurai. Vous êtes souffrant, mon cher Darzac. Non, mais de telles révélations... Je suis ému, oui, très ému. Mais je pense que vous êtes tout à fait favorable à l'idée que je retrouve l'assassin. Ah ça, je voudrais le tenir entre mes mains et l'écraser comme une immonde vermine. Vous aurez ce plaisir, je m'y engage. Toutefois, excusez-moi, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Sinclair, mon bon ami, faites-moi le plaisir délicat de pénétrer dans ce bosquet dont nous avons verbalement épuisé tous les charmes. Ah, et ensuite ? Et ensuite, eh bien, vous me direz, primo, si un homme a pu s'y tenir caché, secondo, dans l'affirmative, a-t-il laissé une trace de son passage ? Bon, moi j'y vais. Je vous en prie. Alors ? Alors vous aviez raison. Ah ! Racontez. Et deuxièmement... Vous avez encore raison. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je m'étonnerais. Il faut toujours se faire à cette idée. Rouletabille a raison. Alors, mais il m'en veut, ma parole. Oh, allons, ne soyez pas amer, maître Sinclair. Les gens de robe sont parfois convaincants, eux aussi. Oh, je vous en prie, Joseph. Vous êtes d'un cynisme. Allez, désarmant. Non, écoutez, faisons la paix, Sinclair. Là, voilà. En fait, voyez-vous, il suffisait vraiment de suivre le bon bout de la raison. Écoutez, nous avons affaire à un individu de chair et d'os qui ne dispose pas d'autres moyens que ceux qui sont les nôtres. Alors, il faudra bien que tout s'éclaire, c'est inéluctable, mon bon maître. Je vous ai confié, dites-moi tout à l'heure, l'empreinte d'une semelle sur une feuille de papier. En effet, la voici. Ah, merci. Voilà. Merci bien. Excusez-moi, ce bosquet m'appelle. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? Alors, je pense que l'empreinte est la même que celle du bosquet. Hein? C'est l'évidence même. Mais... Bien. Alors voilà, la question est réglée. Nous savons comment est venu et reparti l'assassin. Joseph, le retour. Nous avons vu des traces de pas s'enfuyant le long du pavillon, mais honnêtement, nous n'en savons pas plus. Croyez-vous, mon bon maître, je peux vous dire, moi, que l'assassin est allé jusqu'au bout du mur. Hein ? Oui, à 50 mètres, en gros, de la fenêtre du vestibule. Bon. Et il a ensuite sauté la haie. Et le fossé, tenez, juste en face de ce petit sentier qui mène à l'étang. Mais comment pouvez-vous savoir ? Mais parce que c'est le chemin le plus rapide pour sortir de la propriété et arriver à l'étang. Enfin, Joseph... Comment pouvez-vous savoir que l'assassin y est allé ? Oh, alors là, élémentaire, mon cher Watson. Tout simplement parce que Frédéric Larsan n'a pas quitté les bords de l'étang depuis ce matin. Ah. Signe qu'il doit y avoir là-bas de très sérieux indices. Vous êtes bien d'accord, monsieur Larsan ? Ah, tout à fait d'accord. C'est parfait. En ce cas, je vous propose d'aller retrouver le grand Frédéric. Et vous voyez, j'ai pas dit d'aller retrouver Frédéric le Grand. Retenez, vous voyez, il y est encore. Il nous a vu ? C'est pas. De toute façon, dans la minute présente, croyez-moi, nous sommes leur cadette. Ses soucis, nous ne l'intéressons absolument pas. Et nous allons le déranger ? Non, rien ni personne n'a le pouvoir de déranger le grand Frédéric Larsan quand il travaille. On ne peut pas le déranger, mais par ailleurs, on ne peut pas l'aider non plus. D'ailleurs, c'est bien connu, Frédéric Larsan a toujours fait cavalier seul. Regardez ! On dirait qu'il remue quelque chose au bout de sa canne. Et depuis déjà un bon moment. Oui, on dirait, oui. Mais ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Psychologue, éventuellement, sorcier, en aucun cas. Attendez, regardez. Par terre. Mm-hmm. Voilà, de nouveau. De nouveau, les pas de l'assassin quand il s'en va. Regardez, les pas tournent autour de l'étang, ici. Reviennent. Et disparaissent là-bas, toujours près de l'étang. Mais devant ce fameux sentier qui conduit à la grande route d'Épinay. Eh bien, messieurs, en gros, l'homme a fui vers Paris. Vous êtes formel, Joseph ? Ah, formel. Enfin, puisqu'il n'y a plus les pas de l'homme sur le sentier. Oh, homme de peu de foi. Oui, ce qui me le fait croire. Mais ça, mon bon maître, ça, ces traces de pas que vous voyez là, ce sont ces pas-là que j'attendais. Il me les fallait à tout prix. Venez voir, mais venez voir. Mais où? Mais voilà, ici. Et vous vous trouvez en présence de l'empreinte très nette d'une chaussure élégante. Vous la voyez? Ah, très nettement. Oh, par exemple. Et cette fois-ci, messieurs, c'est irréfutable. Je tiens le bon bout de la raison. Mais Joseph, cette empreinte de chaussure élégante, ça veut dire quoi, au juste? Cette empreinte sert à étayer toutes mes déductions. Mmh. Je savais que je la trouverais ici. Je voulais la trouver. C'est bien simple. Elle ne pouvait pas faire autrement que d'y être. Alors? Ah, ne soyez pas impatient, monsieur Darzac. La présence dans les parages du grand Frédéric Larsan m'autorise à penser que j'ai raison. Monsieur Larsan! Monsieur Larsan! Je vous écoute, mon jeune ami. Monsieur Larsan, permettez-moi une question. Est-ce que je me trompe si je dis que les empreintes des pas élégants sont visibles sur la route depuis la découverte de l'attentat? Ah non, vous ne vous trompez pas. En effet, cher adversaire et ami, ces pas ont été soigneusement relevés. Voyez, il y a les pas qui partent. Et il y a ceux qui arrivent. Voilà. Et l'assassin avait une bicyclette. Mmh. Voilà, il avait une bicyclette. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Une bicyclette, c'est complètement fou. Ah non, non. En effet, vous avez raison, Rouletabille. Ah, ça, alors. Regardez. Regardez, on ne peut pas trouver de traces plus claires. Bah oui. Alors? Ça explique la disparition des pas grossiers de l'assassin. Il est tout simplement monté à bicyclette. Son complice, l'homme aux pas élégants, était venu l'attendre au bord de l'étang, avec l'engin. On peut donc supposer que l'assassin agissait pour le compte de l'homme que nous appellerons l'homme aux pas élégants. Ah, bravo! Très bien déduit. Ah, excellent! Ah, superbe! Oh, superbe! Sinclair, mon bon maître, vous venez de développer une théorie qui ne manquerait pas de plonger M. de Marquet dans l'euphorie la plus totale. Ça le remplirait d'extase. Non, Joseph, non, je vous en prie, restons simples. Il s'agissait simplement d'être logique. Mais oui, parfaitement, et c'est d'autant plus admirable qu'il est, nous le savons, très difficile de rester logique quant aux conclusions, alors que l'on part de faits absolument faux. Je vous demande pardon. Comment? Ben oui, je dis que les faits sont faux. Totalement faux. Ah ben je vous en prie, non, expliquez-vous. N'en profitez pas encore une fois pour vous moquer de moi. Mais je ne me moque pas, Sinclair. Pour tout vous dire, j'attendais ces pas depuis le début de l'enquête. La présence dans le secteur du grand Frédéric Larsan me confortait dans cette hypothèse. Maintenant, oui, maintenant que je les ai, je ne les lâche pas. Ce sont les pas de l'assassin, mes amis. J'en suis sûr, n'est-ce pas, monsieur Larsan? Mais oui, parfaitement déduit, mon jeune ami. Oui, non, mais les autres, hein? Les pas grossiers, qu'est-ce que vous en faites? Vous les escamotez? Eh bien non, mon bon Sinclair, parce que ce sont aussi les pas de l'assassin. Alors, il y en a deux. Et Sinclair a raison, ils sont complices. Non, désolé, monsieur Darzac, il n'y a qu'un assassin. Il n'y a pas de complice. Très bien, très fort. Absolument remarquable, mon jeune ami. Tenez, approchez-vous, Sinclair. Oui. Venez voir. Regardez. L'assassin s'est assis là. Oui. Et il a enlevé ses grosses chaussures, celles qu'il avait mises pour égarer la justice. Uh-huh. Et puis, les emportant avec lui, il s'est relevé avec, si je puis dire, ses pieds à lui. Uh-huh. Et tranquillement, il a regagné la grande route au pas en tenant sa bicyclette à la main. Excellent. Rouletabille, excellent de mieux en mieux. Il ne pouvait pas se risquer sur ce mauvais sentier à utiliser sa bicyclette. Hein? Voilà. Il suffit de remarquer, tenez, la trace hésitante des pneus. Hein? CQFD. Il n'y avait qu'un seul assassin et il est parti à pied. Rouletabille, mon cher ami, bravo. Ah oui, oui, bravo dès demain. Quelle sûreté. Je n'aurais pas mieux fait. Oh. Il est évident que si nous retrouvions la bicyclette, ça nous aiderait singulièrement. Ah ben oui, nous pourrions non pas admettre, mais prouver la justesse de ce raisonnement. Monsieur Darzac, oui. Savez-vous s'il se trouve une bicyclette au château? Eh bien, non, il n'y en a pas, non. J'ai emporté la mienne il y a 4 jours à Paris. La dernière fois que vous êtes venu au château avant le crime? Oui, en effet, la dernière fois, avant le crime. Mais, c'est fâcheux. Oh mon Dieu, que c'est bête. Vous allez voir, mon cher Rouletabille, nous allons aboutir tous les deux aux mêmes conclusions. Tenez. Avez-vous une idée sur la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune? Certainement, monsieur Larsan, j'ai une idée. Ah, il est merveilleux. Et moi aussi. Bien sûr, vous vous en doutez. Et je ne serais pas surpris que ce soit la même. Il n'y a pas deux façons d'expliquer cette affaire. Mais j'attends l'arrivée de Demarquet pour lui exposer mes conclusions, dès que j'aurai eu l'accord de mon chef, bien sûr. De votre chef, comment, le chef de la sûreté va venir? Oui. Oui, cet après-midi pour la reconstitution dans le laboratoire. Et ce, devant le juge Demarquet. Tous ceux qui ont joué ou pu jouer un rôle dans cette affaire seront là. C'est stupide que vous ne puissiez y assister. Ne vous inquiétez pas, monsieur Larsan, j'y serai. Oh, vous plaisantez. Ah, parle-moi du monde. Je suis on ne peut plus sérieux. Ah, Rouletabille, cher Rouletabille. Pour votre âge, vous êtes extraordinaire, oh, mon jeune ami. Oh. Évidemment. Si vous aviez un tout petit peu plus de méthode, si vous obéissiez moins à votre instinct et au boss de votre front, mais j'ai déjà eu l'occasion d'observer tout cela, cher Rouletabille. Vous laissez là par trop belle au bon bout de votre raison. Mais... Oui, vous feignez d'ignorer les subtiles et délicates révélations de l'observation. Pardon ? L'observation. Cher monsieur, c'est 80% de l'enquête. Et vous avez tort d'en faire fi. Que dites-vous, Rouletabille, du mouchoir plein de sang et de la main sanglante sur le mur? Vous avez vu la trace de la main, bien sûr. Moi, je n'ai vu que la main. Et surtout, je n'ai vu que le mouchoir. Eh bien, qu'en dites-vous? L'assassin a été blessé à la main par le revolver de Mathilde Stangerson. Oui, bien sûr. Observation brutale, sans nuance, sans délicatesse. Instinctive, beaucoup trop directe. Mon jeune ami, le bon bout de la raison finira par vous jouer des tours si vous heurtez la raison de cette manière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois qu'il est bon, en de certaines circonstances, de la traiter en douceur, de la prendre avec un léger recul. D'habitude, vous êtes plus clair, monsieur Larsan. Eh bien, disons que vous avez bien fait d'évoquer le revolver de Mathilde Stangerson. Il est certain que la victime a tiré. Mais où vous vous trompez, c'est quand vous affirmez qu'elle a blessé l'assassin à la main. Ah non, ça, je n'y crois pas du tout. Ah, et moi, j'en suis sûr. Simple défaut. Observation. Pour moi, voyez-vous, l'examen du mouchoir est combien révélateur à ce sujet. Les innombrables petites taches rondes, écarlates, impressions de gouttes que je retrouve sur la trace des pas, au moment même où le pas pose son empreinte en terre, me prouvent, à moi, que l'assassin n'a pas été blessé, mon jeune ami. Mais qu'il saignait, tout simplement, du nez. Il saignait du nez? Mais c'est complètement... Non, l'homme qui saignait du nez dans sa main et dans son mouchoir s'est essuyé sur le mur. Et la chose est importante, très importante, car elle démontre que l'assassin n'a pas besoin d'être blessé à la main pour être l'assassin. Oh, et ça, fallait le trouver. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que vous en dites, mon cher Joseph? Mais tout simplement que je ne suis pas d'accord. Enfin, comment ça, pas cher d'accord? Cher monsieur Larsan, il y a une chose infiniment plus grave que le fait de brutaliser la logique. Ah, eh bien, croyez-moi, je suis curieux d'entendre cela. Eh bien, ce qui est plus grave, et vous le savez, c'est cette disposition d'esprit propre à certains policiers qui leur fait plier en douceur cette logique aux nécessités de leur conception. Eh bien, si je m'attendais, mon cher... Ce qui est grave, monsieur Larsan, c'est que vous avez déjà une idée sur l'assassin. Non, le n'y est pas. Et il ne faut pas que l'assassin ait été blessé à la main, faute de quoi votre théorie sublime tombe à l'eau. Alors vous cherchez, et forcément vous allez trouver autre chose. J'appelle ça adapter les observations à des conclusions préconçues. Oui, je vous accorde volontiers que c'est un système que la police utilise fréquemment. C'est tellement moins fatigant entre nous. Seulement, c'est parfois dangereux, monsieur Larsan. C'est très dangereux. Et pourquoi donc? mais parce que ça conduit tout droit, comment pouvez-vous l'ignorer, à l'erreur judiciaire. Oh, elle vous guette. Vous êtes fou. Mais pourquoi? Simplement parce que je soutiens que vous partez de l'idée que vous êtes faite de l'assassin pour arriver aux preuves dont vous avez besoin. Mais si, c'est la démarche inverse, en quelque sorte. Je ne dis pas, bon, que tout ça est faux, il vous arrive parfois de tomber juste. Mais en ce qui concerne l'affaire du Glandier, permettez-moi de vous dire, je suis persuadé que vous avez déjà choisi votre assassin et que vous courez derrière les preuves qui vous manquent pour soutenir votre thèse. Mais Rouletabille, nous nous enfonçons dans le ridicule. L'erreur judiciaire, je vous dis, l'erreur judiciaire. Vous avez beaucoup trop de culot, Rouletabille. Trop d'assurance. Beaucoup trop d'assurance. Messieurs, je vous salue. Peut-être vous verrai-je chez le juge. Alors vous avez vu cette sûreté, cette autorité, cette confiance en lui-même? Pas le moindre doute, rien. Mais je le battrai. Ça m'est égal, je le battrai. Rouletabille est plus fort que Larsan. Ah, je sais, bon, ça reste à démontrer, mais je serai le plus fort. Oh, calmez-vous, il n'est pas encore si éloigné. Mais alors, que ça peut me faire, moi? Je vois pas la... Ça m'est tout à fait égal, si vous voulez m'enlever. Et vous voulez savoir pourquoi? Ah oui? Ah oui, ça, on veut savoir pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que le grand, l'unique, l'irremplaçable Frédéric Larsan résonne comme un tambour, comme une pomme de terre. Oh, Joseph, non, alors là, Joseph, c'est peut-être un peu... Mais écoutez-moi, il ne faut pas qu'il ait raison. Mais... Vous entendez, Sinclair? Il ne faut pas, ça serait trop grave. Tenez, approchez. Oui. Vous voyez ces traces de pas? Ce sont les traces des pas de l'assassin. D'accord. Alors maintenant... Passez-moi, s'il vous plaît, l'empreinte que j'ai relevée sur du papier. Oui. Voilà. C'est ça que vous voulez? Merci. Maintenant, Sinclair, je vous invite à comparer. Prenez votre temps. Oui. Alors, sont-elles identiques, oui ou non? Darzac. Pour moi, aucun doute. Rigoureusement identiques. Ouais. Bon. Bah, pour moi aussi, Joseph. Ce sont les mêmes. Alors maintenant, ne vous effrayez ni l'un ni l'autre. Voulez-vous mettre votre pied dans l'empreinte, monsieur Darzac? Faites-le. Oui. Voilà. Oh! Ah, vous avez compris pourquoi. Vos empreintes de pas, cher monsieur Darzac, sont identiques à celles de l'assassin. Enfin, monsieur... Voilà en deux mots la théorie de Frédéric Larsan. C'est pourquoi je veux être sûr qu'il se trompe. À tout à l'heure, monsieur Darzac. Vous venez, Sinclair? Bon. Au revoir, messieurs. Et vous voyez, je suis sûr que Darzac est un honnête homme. Eh ben alors, pourquoi cette démonstration? Mais pour bien le prouver, Sinclair. On en est là. Ah bon? Et où allons-nous, là, maintenant? Allons bon, ben, je croyais que vous le saviez. À l'auberge du donjon, mon bon maître. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 7e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez.